Chapitre 17. Voilà 1 an et 6 mois que je n'ai pas touché à ces notes. Aujourd'hui, triste et chagrin, je les rouvre pour me désennuyer. Je les relis çà et là. Comme j'avais le cœur léger en écrivant les derniers feuillets. Du moins, sinon léger, j'avais le cœur plein d'espoir, de confiance. Voilà 18 mois de passé qui me laissent plus misérable qu'un mendiant. Je suis perdu. Mais, trêve de morale, il n'est plus temps. Les gens peuvent me mépriser. S'ils savaient combien mieux qu'eux je comprends l'horreur de ma situation, ils m'épargneraient leur morale. Que la roue fasse en ma faveur un tour, un seul, les mêmes moralistes viendront me féliciter. Hé, je puis ressusciter demain. Je suis donc allé à Hombourg, mais puis à Roulettenbourg, à Spa, à Bade, où j'accompagnais le conseiller Inns en qualité de subalterne. Le pire des gredins, ce conseiller. Subalterne, ah, valet, j'ai été valet durant 5 mois, aussitôt après ma sortie de prison. Car j'ai été en prison à Roulettenbourg, pour dette. Un inconnu m'a racheté. Qui est-ce? Monsieur Asley? Paulina? Je ne sais. Mais les 200 thalers que je devais se trouvèrent payés, et j'étais libre. Que pouvais-je faire? Je me suis engagé chez Inns. C'est un jeune homme frivole, paresseux. Mes talents lui étaient précieux, car je sais parler et écrire 3 langues. J'étais d'abord quelque chose comme secrétaire, à 30 florins par mois, mais j'ai fini par descendre au grade de laquais. Il n'avait plus les moyens d'entretenir un secrétaire, et il rédigeait mes appointements. Ne sachant que faire, je dus rester malgré tout. En 7 mois, j'ai amassé chez lui 70 florins. Un soir, à Bade, je lui appris que j'allais le quitter, et le soir même, j'allais à la roulette. Oh, comme mon cœur battait! Non, ce n'était pas l'argent que je désirais. Ce que je voulais, c'était me venger de toutes les humiliations que m'avaient infligées les grandes dames de Bade et les majordomes. Et ce Inns, je voulais les voir tous s'agenouiller devant mon succès. Rêve, songe puéril, qui sait? Peut-être rencontrerai-je Paulina et lui prouverai-je que je suis supérieur à tous ces hasards de ma destinée. Oh, avec quel serrement de cœur j'écoutais les cris des croupiers. 31, père, passe. Manque. Avec quelle avidité je regardais la table de jeu couverte de louis d'or, de frédéric d'or, les thalers, les petits monceaux d'or, quand ils s'écroulaient sous le râteau du croupier, brillant comme du feu. Oh, ce soir-là, en portant mes 70 florins à la table de jeu, je savais que la date était pour moi importante. J'ai une préférence superstitieuse pour passe. Je mis donc 10 florins sur passe et je les perdis. Il m'en restait 60 en monnaie d'argent. Je jetais mon dévolu sur le zéro et pontais 5 florins. À la troisième mise, le zéro sortit. Je faillis mourir de joie en recevant 175 florins. J'étais moins heureux le fameux soir où j'en gagnais 100 000. Je mis aussitôt 100 florins sur le rouge. Je gagnais. 200 sur le rouge. Je gagnais. Tous les 400 sur le noir. Je gagnais. Tous les 800 sur manque. Je gagnais. Au total, j'avais 1 700 florins en moins de 5 minutes. Oui, à ces moments-là, on oublie tous les insuccès passés. J'avais risqué ma vie, j'avais gagné, j'étais de nouveau un homme. Je louai une chambre, je m'enfermai, et jusqu'à 3 heures du matin, je restais debout, occupé à compter mon argent. Je me réveillais homme libre. Je décidai d'aller à Hombourg, où je n'avais jamais été ni domestique ni prisonnier. Quelques instants avant de partir, je me rendis à la roulette pour ponter 2 fois seulement et je perdis 1 500 roubles. Je partis néanmoins et voilà 2 mois que je suis à Hombourg. Je vis dans la fièvre. Je joue de très petites mises. J'attends quelque événement qui ne vient pas. Je passe des journées entières près de la table de jeu et j'observe. Je joue même en rêvant. Je suis toujours comme engourdi. J'en ai pu juger surtout par l'impression que j'ai produite sur Monsieur Asley. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Je marchais dans le jardin, calculant qu'il me restait 50 florins et que je ne devais rien à l'hôtel où j'occupais un cabinet. Je puis donc aller au moins une fois à la roulette, me disais-je. Si je gagne, je pourrai continuer le jeu. Si je perds, il faudra m'engager comme domestique ou comme utchitel. Tout en rêvant à ces ennuis, je traversais la forêt et passais dans la principauté voisine. Il m'arrivait de marcher ainsi 4 heures de suite et je revenais à Hombourg, harassé et affamé. Tout à coup, j'aperçus M. Asley qui me faisait signe de venir. Il était assis sur un banc. Je pris place auprès de lui. Il avait l'air préoccupé, ce qui diminua la joie que j'avais de le revoir. Vous étiez donc ici? Je pensais bien vous rencontrer, me dit-il. Ne vous donnez pas la peine de me raconter votre vie durant ces 18 mois, je la connais. Bah, vous espionnez donc vos amis? Au moins, vous ne les oubliez pas. Ne serait-ce pas vous qui m'auriez libéré de prison à Rothenburg? Non, oh non, je sais pourtant que vous avez été en prison pour dette. Vous devez donc savoir qui m'a racheté. Non, je ne puis pas dire que je sache qui vous a racheté. C'est étrange, j'ai pourtant peu d'amis parmi les Russes. Et encore, n'est-ce qu'en Russie qu'on voit les orthodoxes se racheter entre eux? Mais ils ne le feraient pas à l'étranger. J'aurais plutôt cru à la fantaisie de quelque original anglais. Monsieur Asley m'écoutait avec étonnement. Il semblait s'attendre à me trouver plus triste et plus abattu. Je ne vous félicite pas d'avoir conservé votre indépendance d'autrefois, reprit-il sur un ton désagréable. Vous préféreriez me voir plus humble, dis-je en riant. Il ne comprit pas d'abord, puis, ayant saisi ma pensée, il sourit. Votre observation me plaît. Je reconnais mon ancien ami, si intelligent, si vif et un peu cynique. Il n'y a que les Russes pour réunir des qualités aussi contradictoires. Vous avez raison, l'homme aime toujours avoir son meilleur ami humilié devant lui. Et c'est sur cette humiliation que se fondent les plus solides amitiés. Eh bien, exceptionnellement, je suis enchanté de vous voir si courageux. Dites-moi, ne voulez-vous pas renoncer au jeu? Oh, je l'enverrai au diable dès que vous aurez gagné une fortune. Vous l'avez dit malgré vous, et c'est bien votre sentiment. Dites-moi encore, vous n'avez rien en tête que le jeu? Non, rien. Il m'examina curieusement. Je n'étais au courant de rien. Je ne lisais pas les journaux et n'ouvrais jamais un livre. Vous êtes engourdi, remarqua-t-il. Vous vous êtes désintéressé de la vie sociale, des devoirs humains, de vos amitiés, car vous en aviez, et vous avez même abandonné vos souvenirs. Je me rappelle le temps où vous étiez dans toute l'intensité de votre développement vital. Eh bien, je suis sûr que vous avez oublié vos meilleures impressions d'alors. Vos rêves d'aujourd'hui ne vont pas plus loin que rouge et noir, j'en suis sûr. Assez, monsieur Astley, assez, je vous en prie. Ne me rappelez pas mes souvenirs, m'écriai-je avec rage. Sachez que je n'ai rien oublié. J'ai seulement chassé de ma mémoire le passé, jusqu'au moment où ma situation aura changé. Et alors? Alors, vous verrez un ressuscité. Vous serez encore ici dans 10 ans. Je vous offre d'en faire le pari. Et si je perds, je vous le paierai ici même, sur ce banc. Pour vous prouver que je n'ai pas tout oublié, permettez-moi de vous demander où est maintenant mademoiselle Paulina. Si ce n'est pas vous qui m'avez racheté, c'est certainement elle. Et voilà longtemps que je suis sans nouvelles à son sujet. Non, je ne crois pas que ce soit elle qui vous ait racheté. Elle est maintenant en Suisse, et vous me ferez plaisir en cessant de me questionner sur mademoiselle Paulina, dit-il d'un ton ferme et légèrement irrité. Cela signifie qu'elle vous a blessé aussi? M'écriai-je en riant malgré moi. Mademoiselle Paulina est la plus honnête et la meilleure personne qui soit au monde. Je vous le répète, cessez vos questions. Vous ne l'avez jamais connue, et son nom prononcé par vous offense tous mes sentiments. Ah, vous avez tort, jugez vous-même. De quoi parlerions-nous si ce n'est d'elle? Elle est le centre de tous nos souvenirs. Je vous demande seulement ce qui concerne, pour ainsi dire, la position extérieure de mademoiselle Paulina. Et cela peut se dire en 2 mots. Soit, à condition que ces 2 mots vous suffiront. Mademoiselle Paulina a été longtemps malade. Elle n'est pas même encore guérie. Elle a vécu pendant quelque temps avec ma mère et ma sœur dans le nord de l'Angleterre. Il y a 6 mois, la babouchka, vous vous rappelez cette folle, est morte en lui laissant 7 000 livres. Elle voyage maintenant avec la famille de ma sœur, qui est mariée. Son frère et sa sœur sont aussi avantagés par le testament et font leurs études à Londres. Le général est mort il y a 1 mois, à Paris, d'une attaque d'apoplexie. Sa femme le traitait à merveille, mais avait fait passer à son propre nom toute la fortune de la babouchka. Voilà. Et de Griers, voyage-t-il aussi en Suisse? Non, de Griers, je ne sais où. De plus, une fois pour toutes, je vous en préviens, évitez ces allusions et ces rapprochements tout à fait dépourvus de noblesse. Autrement, vous auriez affaire à moi. Comment? Malgré nos anciennes relations amicales? Oui. Mille excuses, monsieur Asley, mais permettez pourtant, il n'y a là rien d'offensant, je ne fais aucune allusion malséante. D'ailleurs, comparer ensemble une jeune fille russe et un Français est impossible. Si vous ne rappelez pas à dessein le nom de Degrier en même temps que l'autre nom, je vous prie de m'expliquer ce que vous entendez par l'impossibilité de cette comparaison. Pourquoi est-ce précisément d'un Français et d'une jeune fille russe que vous parlez? Ah, vous voyez, vous voilà intéressé. Mais le sujet est trop vaste, monsieur Asley. La question est plus importante qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Un Français, monsieur Asselet, c'est une forme belle, achevée. Vous, en votre qualité d'anglo-saxon, vous pourrez n'en pas convenir, pas plus que moi en qualité de russe. Par jalousie peut-être. Mais nos jeunes filles peuvent avoir une autre opinion. Vous pouvez trouver Racine parfumée, alambiquée, et vous ne le lirez même peut-être pas. Je suis peut-être de votre avis. Peut-être le trouverons-nous même ridicule. Il est pourtant charmant, monsieur Asselet. Et que nous le voulions ou non, c'est un grand poète. Les Français, que résument les Parisiens, avaient déjà des élégances et des grâces quand nous étions encore des ours. La Révolution a partagé l'héritage de la noblesse au plus grand nombre. Il n'y a pas aujourd'hui si banal petit Français qui n'ait des manières, de la tenue, un langage et même des pensées comme il faut, sans que ni son esprit ni son cœur y aient aucune part. Il a acquis tout cela par hérédité. Or, il est peut-être par lui-même vil parmi les plus vils. Eh bien, monsieur Asselet, apprenez qu'il n'y a pas au monde d'être plus confiant, plus intelligent et plus naïf qu'une jeune fille russe. De Griers, se montrant à elle sous son masque, peut la séduire sans aucune peine. Il a la grâce des dehors, et la jeune fille prend ses dehors pour l'âme elle-même, et non pour une enveloppe impersonnelle. Les Anglais, pour la plupart, excusez-moi, c'est la vérité, sont gauches, et les Russes aiment trop la beauté, la grâce libre, pour se passer de ces qualités. Car il faut de l'indépendance morale pour distinguer la valeur du caractère personnel. Nos femmes, et surtout nos jeunes filles, manquent de cette indépendance. Et dites-moi, quelle expérience ont-elles? Mademoiselle Paulina a dû pourtant beaucoup hésiter avant de vous préférer ce gredin de De Griers. Elle peut être votre amie, vous accorder toute sa confiance, mais le gredin régnera toujours. Elle conservera son amour même par entêtement, par orgueil. Le gredin restera toujours un peu, pour elle, le marquis plein d'affable élégance, libéral, et que sa demi-ruine paraît d'une grâce de plus. On a pu depuis percer à jour le faux bonhomme. Qu'importe, elle tient à l'ancien De Griers. Il vit encore pour elle, et elle le regrette d'autant plus qu'il n'a existé que pour elle. Vous possédez une fabrique de sucre, monsieur Asselet? Oui, je fais partie d'une entreprise de raffinerie, Lovell and Company. Eh bien, vous voyez, monsieur Asselet, d'un côté, un raffineur, de l'autre, Apollon du Belvédère. Moi, je ne suis pas même un raffineur. Je suis un joueur à la roulette. J'ai été domestique. Mademoiselle Paulina doit en être informée, car je vois qu'elle a une très bonne police. Vous êtes irrité, me répondit monsieur Asselet avec le plus grand calme. Vos saillies sont sans originalité. J'en conviens. Mais, mon noble ami, n'est-ce pas précisément ce qu'il y a de plus affreux que ces clichés si vieux soient encore vrais? Nous n'avons donc, nous autres gens modernes, rien inventé. Voilà des paroles ignobles, car sachez, dit monsieur Asselet d'une voix tremblante et les yeux étincelants, sachez donc, ingrat, malheureux, homme perdu que vous êtes, sachez que je suis venu à Hambourg exprès, parce qu'elle m'a chargé de vous voir, de vous entretenir longuement et sincèrement, et prier de lui communiquer vos pensées et vos espérances, et vos souvenirs. Vraiment? Vraiment? M'écriai-je. Des larmes brûlantes coulaient de mes yeux. Je ne pouvais les retenir. Il me semblait que c'étaient mes premières larmes. Oui, malheureux, elle vous aimait, et je puis vous le révéler, car vous êtes un homme perdu. J'aurais beau vous dire qu'elle vous aime encore, vous resterez ici cependant. Oui, vous êtes perdu. Vous aviez certaines facultés rares, un caractère vif. Vous étiez un homme de valeur. Vous auriez pu être utile à votre patrie, qui a tant besoin d'hommes. Mais vous resterez ici. Votre vie est finie. Je ne vous en fais pas un crime. À mon avis, tous les Russes sont comme vous. Ce n'est pas toujours la roulette qui les perd, mais qu'importe le moyen. Les exceptions sont rares. Vous n'êtes pas le premier à ne pas comprendre la loi du travail. La roulette est le jeu des Russes par excellence. Jusqu'ici, vous étiez honnête, et vous préfériez servir que voler. Mais votre avenir m'épouvante. Assez, et adieu. Vous avez probablement besoin d'argent. Voilà, 10 louis d'or. Allez les jouer. Prenez. Adieu. Prenez donc. Non, monsieur Asselet, après tout ce que vous venez de me dire. Prenez, s'écria-t-il. Je suis convaincu que vous êtes encore honnête, et je vous fais cette offre comme peut la faire un ami à un véritable ami. Si j'étais sûr que vous renoncerez au jeu, et que vous retournerez dans votre patrie, je vous donnerais immédiatement 1 000 livres pour le commencement de votre carrière. Mais non, 1 000 livres ou 10 louis sont aujourd'hui pour vous la même chose. Vous les perdrez en tout cas. Prenez et adieu. Je les prends à condition que vous me permettrez de vous embrasser avant de vous quitter. Oh, cela, avec plaisir. Nous nous embrassâmes et M. Asselet partit. Non, il a tort. Si j'ai parlé de Paulina et du petit français sans assez de mesure, il en a tout à fait manqué en parlant des Russes. Je ne m'offense pas personnellement de ce qu'il m'a dit. Du reste, tout cela, ce ne sont que des paroles. Des paroles. Il faut agir. Le principal est de courir en Suisse, demain même. Oh, si je pouvais partir tout de suite, me régénérer, ressusciter. Il faut leur prouver que. Il faut que Paulina le sache. Je puis être encore un homme. Il faut seulement. Bon, aujourd'hui, il est déjà trop tard. Mais demain, oh, j'ai le pressentiment, et non peut-être autrement, j'ai 15 louis. Et j'avais commencé avec 15 florins. Si je me conduis avec prudence, et je ne suis plus un enfant, il ne se peut. Ah, je ne comprends donc pas moi-même que je suis perdu. Mais qui m'empêche de me sauver? De la raison, de la patience, et je suis sauvé. Je n'ai qu'à tenir bon une fois, et en une heure, je puis changer ma destinée. Il faut avoir du caractère, c'est l'important. Ah oui, j'ai eu du caractère cette fois. J'ai perdu cette fois tout ce que je possédais. Je sors de la gare et je retrouve dans mon gousset encore un florin. J'ai donc de quoi dîner, pensais-je. Et je n'avais pas fait 100 pas que je retournais au salon de jeu. Je mis mon florin sur manque. Et vraiment, il y a quelque chose de particulier en ceci. Un homme seul, loin de son pays natal, loin de ses amis, sans savoir s'il mangera aujourd'hui, et risque son dernier florin, le dernier des derniers. J'ai gagné, et 20 minutes après, je sortais avec 170 florins dans ma poche. C'est un fait, voilà mon dernier florin. Et que serais-je devenu si j'avais manqué de courage? Demain, demain, tout finira.